对吧嘛？ 喂，对不对嘛？那多？ 等这边嘛，我们等到不过的多。 对不对嘛？ 等到不过的多。 喂，我们摸下你个。 Bisto。 喂，我跟你比，啥是啥个是米国了哈？ 喂，啥米？你过来。 大马里龙。 C'est vrai, Guillaume? Et dans ta colonne côté gauche, côté nécra, bass, sample, drums. Dans sa track ouais. basse là. Ouais. Baisse volume là. Ouais. Ouais. C'est good, Marie Fou. Là, là, t'es bien baisse volume. Mais, mon baisseline net, comment dire? Encore un baisse scato. Faudrait qu'il ça. Ouais, baisse-li. Ouais, c'est un baisse scato volume correct pour toi. Mais il m'a une baisse nette là. Donc, on peut casser qui? Marie casse mon équipe. Mais tu connais qu'à arriver là. Si ça gogote ça. Ton micro. Mon micro est trop faux. Ça veut dire que tu as besoin dans. De sound en bas dans. Ouais. System preferences, tu peux trouver, tu prends ton micro là. Tu descends lui. Et dans le système ou quoi? Non, mais pas active, c'était pour réduire le bruit. Mais puis ça, oui. Là. Mais, au fait, moi. Baisse volume micro, là. Baisse volume micro, là. Bien, sans. Quand tu baisses le volume principal, l'auto, là, guitare, c'est pas l'auto rempli, ton bon. Ouais. Non, mais, tu veux t'en voir, comment dire, comment m'en bêtant toi, soit, comment dire, tu veux t'en voir, comment dire, aussi fou que moi. Ouais. Tu veux t'en voir aussi fou que toi. System preferences, tu veux tout sound. Ouais, sound effects. Non. Pourquoi il y a un tas faux que... Tu es tellement marifaux au-dessus. Il y a un tas faux. Trop faux ou ça, comment dire, plutôt gros là. Non, pas ça en effect. Tu as dans System Preferences, dans le sound. Ouais. Mais dans toi, bien. Ouais. Un peu trop faux. Un peu trop faux. Pas trop faux. Output volume. Donc, input de allo internal microphone built-in là. Tu ouais. baisses ce volume un peu. Ouais. Correct. Ouais. Ouais. Built-in microphone. Ouais. Internal microphone. Là, tu as besoin de baisser le volume un peu. Built-in. Ouais, là, ouais. correct. Ah, c'est-à-dire, tu as laissé ça ouvert, tu as joué. Bon, mais continue à jouer, mais tu as un micro là, nous jouons, mon frère. Allez, c'est bon, ok. La tonce là, longue, hein, papy. Ça ouais. veut dire, quand tu joues, moi, attends-toi, moi, encore 4 tours après, moi, attends-toi. 4 tours. 4 tours, je veux dire, 1, 2, 3. Et ça, on commence le N. Tu trouves en bas le métronome là. Le métronome. Ouais. Voilà le métronome là. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. Attends ça là. Thank you. vraiment li long. Va te pou konen koman li ton. Mwa pe jidon li ton kwa. Mwa pe jidon, mwa diyan onde yo li ton, mwari woukou kwa. Non, mi te touve la, nou pi kose la. Ouè. Ouè. Ouais, du coup, j'ai là. C'est de quoi, Lilong? Eh, Lilong, là? Eh, Astéa, tu m'étais à moi, là? Qui ou, maman? Tu peux encore t'en moi? Jam, mais l'on fait ça, ma vie, t'en toi, direct, là, moi. Ouais. Viens, t'as fait un goût? Mais... Vous remettez un temps, moi, j'ai en même temps que tu peux causer, vas-y. Cosa un goût? Hein? Hein? Vous mettez un temps en même temps? T'as. L'eau fait ça, moi, mais t'attends direct, moi. Ouais. Mais dans l'Ninja, moi, mais t'attends différé. Mais moi, je me mets un temps, comment dire, dans mon casque avec, comment dire, l'eau, habibou, et en même temps. Hein? Je me mets un temps, comment dire, quand je vais causer, dans mon casque, je me mets un temps en même temps. Fais-moi, là. Ouais. Mais, pour moi, comment dire, dans mon côté, comment dire, je me lève sur, comment dire, les temps-là, pareil, quoi. Fais la latence, quoi. Eh, d'accord, mais c'est quand même un tableau de batterie, là. Ouais. Et on met ta guitare, mon guitare du côté. Allez. Ça va. Eh, mon couillon, on peut mettre ta caméra qui vont l'enquête. Ouais. On est dans le même temps. Oh. Oh, la peau, la peau. Ah, c'est un peu qu'on voit. Ouais, c'est un peu dans le job. Dis-moi, elle nous a joué là. Par le collège, regarde ce qu'on fait là. Comment faire travail là? Tu veux bien commencer 4 tons en avance ou bien commencer moi, je vais manger 4 tons. Ouais. Après tu rentres là non? Allez. Ok. Mais ça, vous voyez comment dire, Astéa, comment dire, que mon son là, vous mettez un lag, comment dire, Marie fait, comment dire, elle se marie caca du tout, moi. Ah bon? Ouais. Comment dire? Correct quoi. Right play. C'est un difficile pour moi. Thank you. Hey, Marie Jugé là. Ouais. Marie Jugé là. Ouais, mais quand tu commences, ouais. Pour ne pas perdre, tu commences toujours l'eau N. Dans ton en bas, la fenêtre là. De la N jusqu'à 16. Et tu mets l'eau 8 là, la nouvelle. Tu commences l'eau N au 8. Trop long, là. L'eau 8. Qui veut dire 1? Thank you. Jam même ça m'ouvre. Les vieilles, c'est quand même moi, Lucas, c'est qui? Ouais. Ouais. Mon hospital, tu es 10h40 alors. Bon, sur elle, me casse le pied après 30. Ma pita, comment on s'est mis tout le temps? Tu as tout le temps. Comment faire?